Changement de cap. Le 26 décembre 1999, il vente violemment quand nous partons à Lausanne pour la visite bimensuelle de Charlotte à son père. Le train est bloqué à mi-chemin et on nous dirige vers un bus pour poursuivre notre trajet. Pendant que nous l'attendons devant la gare de Vevey, une grue menace de nous tomber dessus. Je n'avais encore jamais expérimenté une telle furie météorologique. Je suis dans un état proche de la panique et serre très fort mes enfants contre moi. Nous aurons 4 heures de retard à notre rendez-vous. Le soir, nous ne rentrerons pas chez nous. Nous dormirons dans une sorte de dortoir crade et moche, au milieu de versales, de poubelles pleines et d'odeurs de tabac froid. C'est tout ce que nous avons trouvé in extremis, bien heureux que ce ne soit pas pire. La tempête Lothar est en train de dévaster une bonne partie de l'Europe. Elle nous épargnera, par miracle. Nous n'avons pas protégé nos stères de bois devant la maison, et la tôle ondulée, mal fixée, aurait pu s'envoler, causant de gros dégâts. Est-ce là que nous commençons à prendre conscience de notre vulnérabilité? Nous réalisons dans la foulée que désormais nous dépendons entièrement de Marcel pour scier le bois. À force de trop prendre sur lui pour faire sa part, comme il le dit, l'état de Jean-Paul s'est aggravé et désormais il ne peut plus bûcheronner du tout alors que c'est notre seul moyen de chauffage. Or, Marcel a déjà dépassé les 75 ans. Comment ferons-nous quand il ne pourra plus en avant? Cet hiver-là, il tombe tellement de neige que nous appelons mon beau-frère Christian à la rescousse pour l'enlever du toit, en dégageant les blocs gelés à l'aide d'une tronçonneuse. Tous les autres habitants du village font de même. Le spectacle est impressionnant car certaines maisons ont 4, parfois 5 étages. Je passe mon temps à faire des photos. Christian va mettre 3 jours pour dégager notre toit. Merci encore. Les enfants ont commencé l'école depuis 2 semaines. Thomas, qui avait tellement insisté pour entrer en enfantine cette année déjà, à 4 ans et demi alors qu'il aurait pu attendre 1 an de plus, revient un midi en déclarant solennellement « Finalement, ça ne me plaît pas tant que ça, l'école. Je crois que je n'y retournerai pas. » Je réprime à grand-peine un sourire en lui expliquant qu'il n'a pas vraiment le choix. Jusqu'à preuve du contraire, l'école est obligatoire. Il digère mon explication rapidement et s'adapte, presque naturellement, à cette nouvelle réalité. Par la suite, il m'arrivera fréquemment d'être bluffé par sa capacité de réflexion et de remise en question. Et pourtant, si nous avions su que nous avions le choix, justement, que ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais uniquement l'instruction. À l'automne 2000, je suis secrétaire du conseil communal pour la 4e année consécutive. Une rumeur circule. Il serait question d'arrêter le service des bus postaux, trop cher pour la commune. Ce même bus qui nous descend au Cépet, où se trouve l'école des enfants, et la gare, d'où part le train en direction d'Aigle, que j'emprunte une fois par semaine au moins pour aller au ravitaillement. Il n'y a plus d'épicerie au village depuis bientôt 2 ans. Qu'allons-nous faire? Rester et compter sur le bon vouloir des voisins? Déménager? Reprendre une voiture? Il n'en est pas question, ce serait notre ruine. Que faire? Partir? Pourtant nous sommes tellement heureux ici. Nous venons tout juste de refaire la cuisine à neuf, étendage à pâte fraîche inclus, et notre propriétaire nous a même offert, tout en augmentant le loyer, une antenne parabolique pour nous permettre de capter des chaînes documentaires. Parce que, a-t-il prétendu, nous ne pouvons pas vivre sans culture dans ce trou perdu. Comme si tous autour de nous étaient ignares, comme si nous ne pouvions pas nous cultiver autrement que par la télévision. Nous n'avions même rien demandé, mais nous sommes contents d'avoir accès à Arte, même si nous trouvons les autres chaînes débilitantes. Rester? Grâce aux enfants, nous sommes à peu près intégrés au village, autant que des étrangers peuvent l'être. Nous nous sommes même fait quelques connaissances sympas. Nous avons planté des racines et espérions bien pouvoir offrir une jolie stabilité à notre progéniture, qui, elle, est pratiquement née ici. Partir. Depuis qu'ils savent écouter, tous les soirs je fais la lecture aux enfants. Charlotte apprécie les contes de fées, Thomas préfère les histoires plus techniques. Dès qu'il est assez mûr, c'est son père qui prend le relais, avec l'encyclopédie des juniors, offerte par grand-maman. Nous voyons déjà que notre petit gars est vif, curieux de tout, et qu'il sera probablement apte aux études. Or, le collège le plus proche est à plus d'une heure d'ici et le gymnase le plus proche à au moins 2 heures de route. Impossible d'y aller sans transport public. Rester ? Si nous avions su que nous pouvions faire l'école à la maison, nous serions encore dans les Alpes aujourd'hui. Nous l'avons compris trop tard, hélas. J'admets que je n'ai pas beaucoup cherché à l'époque. S'occuper des enfants nous prenait tant d'énergie que l'école nous a permis de souffler un peu. Ça a sûrement influencé notre jugement à court terme, en tout cas le mien, d'autant qu'ils avaient fini par y trouver leur compte. La maîtresse était chouette et ils ont entre autres eu l'occasion d'apprendre à nager et à skier. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas là. Nous souhaitons les scolariser en longue durée en leur offrant une vie stable. Avant de prendre une option, nous choisissons d'aller explorer quelques endroits possibles. Nous voudrions conserver une liberté de mouvement sans voiture. À proximité des écoles, des commerces, avec la nature à portée de pied, tout en conservant notre niveau de vie actuel, évidemment. Jean-Paul est originaire d'un petit village des environs d'Yverdon-les-Bains. Il connaît bien cette région. Nous allons donc commencer nos investigations par là. Hélas, Yverdon est trop citadine par rapport à ce dont nous avions rêvé. Nous décidons de monter d'un cran et d'aller explorer Sainte-Croix. C'est presque à la campagne. Dans un premier temps, nous ferons le tour du village en levant le nez afin de repérer les fenêtres sans rideaux, souvent synonymes de logements vacants. Tandis que nous remontons vers le centre, Thomas réclame son carac de 4 heures. C'est une sorte de tartelette fourrée de chocolat surmontée d'un glaçage verdâtre. Chez Huisseau, le confiseur du village, il n'y en a plus. À la Migros non plus, pas plus que chez Tailleul, l'autre Tiroum. Il va falloir pousser les recherches plus loin. Jean-Paul nous laisse découvrir une petite place de jeu et part en chasse du côté de la copée. Il en revient avec 2 caracs et une petite annonce trouvée sur le mur. Il y est écrit « Alloué, L-O-U aigu, très joli appartement 7 pièces, 1200 francs charges comprises, suivent l'adresse et le numéro de téléphone. » 7 pièces. Cela tient du miracle pour ce prix-là. Il nous serait difficile de trouver mieux dans une agglomération de cette taille. Allons vite voir. Nous cherchons l'adresse sur le plan qui se trouve devant l'hôtel de ville. Trouvons la rue, la prenons, la remontons. Au fur et à mesure que nous avançons, nous nous disons « Non, non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être là. » Et si, pourtant, c'est bien de ce petit château avec son parc plein d'arbres vénérables qu'il s'agit. Celui que nous avions repéré il y a 2 ans quand Jean-Paul m'avait dit « Faut pas se moquer des riches, on sait jamais ce qui peut nous arriver. » Les locataires sortants sont là et nous ouvrent volontiers leurs portes. L'appartement n'est pas mis en valeur, au contraire. Il est tout sombre et assez sale. Leur petit chien s'est lâché partout. Mais nous réalisons immédiatement son potentiel. Une fois que nous l'aurons arrangé, ce sera génial. Outre le parc superbe, l'école est en face, les magasins tout près, la gare à 10 minutes et l'hôpital au bout de notre rue. Le prix est calculé, charges comprises, ce qui est inestimable. Nous prenons plein de photos Polaroid. Topez-la ! Nous téléphonerons au propriétaire dès lundi. Puis nous partons nous installer dans la jolie chambrette louée à l'auberge. Son seul défaut, la fenêtre de notre chambre ne donne pas sur notre futur château. Tant pis. La fondue est excellente et tout en la savourant, nous ne tarissons pas de projets, d'envies, d'idées d'aménagement qui jaillissent dans tous les sens. En clair, nous sommes déjà partis de là-bas, déjà arrivés ici. Pas une seconde, il ne nous vient à l'esprit que quelqu'un d'autre pourrait nous avoir devancés. Le suspense dure jusqu'au lundi midi. J'aurais bien appelé dès dimanche soir, mais Jeannot, qui est bien élevé, ne se laisse pas mettre la pression. Il appelle en fin de matinée. La discussion est brève. Dès qu'il s'est mis d'accord avec notre futur propriétaire, il retraverse immédiatement tout le canton pour aller signer le bail. Quant à moi, j'avais repéré plusieurs mois auparavant sur le pilier public une petite annonce placée par des personnes cherchant un appartement de vacances à la Forcla. Au téléphone, ils me confirment qu'ils sont toujours candidats et je les mets en contact avec notre bailleur actuel. En quelques jours, tout est réglé. 3 mois plus tard, partageant les larmes d'Henriette et de notre ami le maraîcher, Malgré la déception de Marcel, de Véronique et de Christiane, nous quittons les Alpes pour nous installer dans le Jura.